Não há mulheres como as do meu país. De norte a sul todas me põem feliz. Não há mulheres como as do meu país. De norte a sul todas me põem feliz. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Ana Ribeira, uma francesa. Logo à primeira ficou maluca por mim. Já no Rocio foi uma inglesa que até desgalha, ai também ficou assim. E agora dizem sou amor da sua vida. Não são nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou de poliglota, aprendi bem a lição. Sem dizer je t'aime, I love you. Tu mates por tu, tu mates por tu. Sem dizer je t'aime, I love you. Tu mates por tu, tu mates por tu. E hoje a malta portuguesa já só diz do norte a sul. Tu mates por tu, tu mates por tu. E o turismo com certeza está mostrando para chuchu. Tu mates por tu, tu mates por tu. No Algarve, outra turista gostou da vista e também gostou de mim. Depois nas ilhas, a americana viu maravilhas e também ficou assim. E agora dizem sou o amor da sua vida. Não sou nada com medidas no tamanho da paixão. Também me pedem para não ter a língua morta. Hoje sou um poliglota, aprendi bem a lição. Sei dizer je t'aime, I love you. Tu mates por tu, tu mates por tu. Say this is je t'aime, I love you. Too much but too, too much but too. Say this is je t'aime, I love you. Too much but too, too much but too. E hoje chamada por tu que seja tão visto no norte azul. Too much but too, too much but too. E o turismo com certeza está mostrando um braço sul. Too much but too, too much but too. Vas-y, déhanche-toi, montre-moi comment tu fais ça. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Camaleón, el rompe tarima. Ya tú sabes, nena. Dale. Si no soportas a tu jefe, mándale, mándale. Y si los demás no lo entienden, mándale, mándale. Haz de la música tu suerte. Mándale, mándale. Rompiendo el ritmo no lo deje. Mándale, mándale. Camina por la ciudad, rompiendo seda. Monta la fiesta y va subiendo, bajando, pura dinamita, nena, subiendo, bajando, mándale. Si no soportas a tu jefe, mándale, mándale. Y si los demás no lo entienden, mándale, mándale. Haz de la música tu suerte, mándale, mándale. Rompiendo el ritmo no lo deje, mándale, mándale. Ella te vuelve.

espalhar pelo planeta. Quando unirmos nossos corações e sentirmos um em vez de dois, vai ser o beijo que nós demos. Vai se escutar no mundo inteiro. Quando o corpo e alma for um só, todos querem fazer como nós. Como que quebra? Bom, bom, bom, bombástico tu és. Bom, bom, bom, bombástica eu sou. Ai, ai, ai, e a gente se entender. Somos alquimistas de uma bomba de amor. Bom, bom, bom, bombástico tu és. Bom, bom, bom, bombástica eu sou. Ai, ai, ai, e a química se der. Para além da física vai dar um amor. Bombástico. Temos tudo no sítio, nada para do lugar. Bombástico. No momento propício vais poder. Mas eu dou-lhe uma estalada e chamo a atenção. Eu ando louca para provar que eu perdi-o, mas sou honrada e tenho que disfarçar. Por isso agora vou-lhe fazer um pedido, pelo tempo que é preciso para eu poder pensar. Mas é hora de tirar até a mão. Ai, meu amor, eu cá não sou de brincadeira. Diz bem a hora de tomar a decisão. Se me queres por um minuto, ou então para a vida inteira. Tens meia hora de virada e a mão. Ai, meu amor, eu cá não sou de brincadeira. Tens meia hora para tomar a decisão. Se me queres por um minuto, ou então para a vida inteira. Tens meia hora para tomar a decisão. Se me queres por um minuto, ou então para a vida inteira. Tens meia hora para tirar. matin arrive tout doux, sans stress. Un café noir, un beso, pas d'adresse. Le temps s'étire comme un vieux chat, et personne ici ne court. Tu vois, à midi c'est le festin sous la tonnelle. Des tomates, du pain, du miel. Puis rideau tiré, tout le monde se fait discret. C'est l'heure sacrée de la sieste. Por favor, respeto. Le jour on dort, la nuit on vit. On plonge dans l'eau, on rit, on crie. Y a le soleil dans nos verres et la lune dans les yeux. C'est la fête, amigo, ici on est heureux. Quand le soleil commence à baisser, on sort les glacières, on va se baigner. Les enfants hurlent, les vieux font des bombes. Et la mer chante comme une colombe. Le soir descend sur la place du village. Il y a les lumières, les rires, les visages. Les abuelos sortent les chaises et Paco lève son verre avec fierté. À l'aise, le jour on dort, la nuit on vit. On plonge dans l'eau, on rit, on crie. Il y a le soleil dans nos verres et la lune dans les yeux. C'est la fête, amigo. La musique explose, les pieds décollent. Les jeunes dansent, les cœurs s'affolent. Un passo, deux passos, la main dans la main. Et même les étoiles dansent jusqu'au matin. Quand le coq chante, on rigole. C'est pas compliqué. On aime, on mange, on chante. Et on recommence l'été. Le jour on dort, la nuit on vit. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Mesdames et messieurs, venez, venez écouter l'étonnante chanson du poète qui a perdu l'inspiration. Venez, allez, venez. On va la chanter ensemble. Je prends ma plume, je la trempe dans l'encre.

passer. J'entends les vagues jouer à chaque avec la brise qui aime ça. Maria Helena, nome que não sai do ar. Maria Helena,

ça, quero me te enganar não. Vai te chorar pra contar o que vai acontecer. Não sei como a conquistar, se é convido pra dançar, se é convido pra beber. Vai ter história pra contar, pois vai. Estou no clima de paixão. Não sei como a convidar, tenho medo de falar. Vou cantar-lhe esta canção. Ai, ué, delele, estou aqui, vem pra mim. Gosto dela, é donzela, vou fazer par com ela. Ai, uê, lê, lê, lê, estou aqui. Gosto dela, é donzela, vou fazer par com ela. Lê, lê, lê, estou aqui, vem pra mim. Gosto dela, é donzela, vou fazer par. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, Arc-en-Ciel, en harmonie, la FM en couleur. En couleur. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Bonjour à tous, à toutes. Voilà donc, eh bien, juste après la musique non-stop, voici donc pendant quelques heures, et bien jusqu'à 16h, l'émission de l'accordéon. Voilà donc, bien, j'espère que tout se passe très bien pour un dimanche matin et puis donc j'espère que tout se passe bien aussi pour l'après-midi. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, je vais vous laisser, bien sûr, avec quelques morceaux d'accordéon différentes. Et on va débuter, bien sûr, avec la valse et puis ainsi le tango. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Quand le pâtre me chante sous tes coteaux et tes monts, sa voix frémissante dit aux échos du vallon. je t'aime, car j'ai tout contre moi. Celle que j'aime, celle qui est toute ma joie. Voilà, la nuit brève, ton chant s'achève, mais toujours les saintes rêves. Je vis le rêve de ce tango d'amour. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Voici donc, eh bien, le Bayon, et puis juste après avec les deux titres différents du côté de l'Espagne. Thank you.

passe du côté du cha-cha, suivi passe-double et ainsi la marche.

voici donc bien du côté du Tyrol. l'école, je me foutais pas mal des leçons. Le français, les maths, les heures de colle, moi je voulais jouer de l'accordéon. Les parents tous les jours en colère ont compris, fallait pas insister. Après tout, il fera peut-être une carrière, il n'est pas complètement raté. Pourquoi pas, plutôt qu'un mauvais ministre. Pourquoi pas, un super accordéoniste. Dans la vie, faut pas se prendre la tête, on trouvera toujours de quoi bouffer. Ça sera peut-être pas tous les jours la fête, pourvu qu'on soit en bonne santé. Si un jour on arrive à la retraite, on en aura toujours profité. Il y aura sûrement plus de belles musettes, les dimanches on sera devant la télé. À 20 ans, quand j'étais militaire, l'adjudant voulait me faire marcher. Alors que moi, quand j'avais le pied par terre, tout ce que je savais faire, c'est danser. Du coup, ça l'a rendu malade, il a fait 6 mois de dépression. Quant à moi, j'en ai pris plein mon grade, j'ai fini mon temps au violon. Mais tant pis, peut-être un mauvais bilas. Mais tant pis, car au bignou, c'est un S. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Madison, c'est bon pour la forme, oui. Madison, pour être à la mode, oui. Madison, bon pour l'ambiance et l'amitié. Allez, venez l'entrer. Madison, ça y est, tu décolles, oh oui. Madison, c'est nos années folles, oh oui. Madison, bon pour l'ambiance et l'amitié. Pas besoin de cavalière, on fait à sa manière. Bien aligné, on tourne sur le côté. On claque les doigts, le Madison est là. Avec du côté de la bourrée et puis jusque après Maruska. espalions mon village, mon amour de cité. Écoute le message que mon cœur m'a dicté. Si pour la capitale un jour je t'ai quitté, c'est toi terre natale que toujours j'aimerai. Quand le soleil invente de très jolis reflets, le printemps est présent. Sa tour, au son d'accordéon, puis après sa retourne, le monde où Jacques s'en va. La campagne de chez nous, comme une femme heureuse, au ciel fait des yeux doux. Le vieux palais lui-même, le bleu capuchonné, semble dire qu'il aime l'endroit où il est né. Espalion, mon village, mon amour de cité, écoute le message que mon cœur m'a dicté. Si pour la capitale un jour je t'ai quitté, c'est toi terre natale que toujours j'aimerai. C'est toi terre natale que toujours j'aimerai. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est le plaisir de la musique. Arc-en-Ciel, c'est le bonheur, tout en couleurs. Sur Arc-en-Ciel. Je vous laisse avec du côté du Madison et puis juste après la Java. On crie sous la rythmique, allez, Madison. écrivre diabolique, tout bon même homme. C'est un pas inédite, les gens dont je donne. L'annonce nous invite au Madison. Sur les dépôts, on tape les mains. Ça nous rappelle le temps de copain. Alors chantons ensemble, allez Madison. L'amitié nous rassemble quand nos pas résonnent. Rôler la mécanique, la cadence est bonne. C'est vraiment unique, Madison. Quand le néon jouait, à le petit vin. bien engage. C'est de croire l'argent et de t'aimer toute la vie, j'en fais serment. On l'a appelé le dénicheur, il était rusé comme une fouine. C'était dingue qui avait du cœur, mais il vivait chez les convives. Il vivait comme un grand seigneur. Nostalgie, mélancolie d'une valse bleue au fond de nos yeux. C'était fou comme on s'aimait, on riait, on s'embrassait, on dansait et on chantait quand l'accordéon jouait. Yeah.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-Ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. On change de style avec tout simplement jeune, avec l'accordéon zouk et puis juste après le mambo. Toute l'année on attend le bon temps des vacances, pour s'en aller bronzer aux quatre coins de France. On a des RTT, mais pas beaucoup d'argent, et une petite guitoune sympa qui nous attend. Ce qui nous émoustille, à nous donner la fièvre, c'est d'aller retrouver au camping de nos rêves. La place numérotée, où maintenant chaque été, on retrouve les copains pour rigoler et pour chanter. La reine de la vaisselle, c'est Gisèle, le grand champion au boule, c'est Raoul, qui l'attend aux toilettes, c'est Paulette, hélas du sud au cul, mais c'est la grande Lulu. La vedette au tennis, c'est Maurice, et la star au volet, c'est René, qui danse jusqu'à midi, c'est Maggie, équipé l'apéro, c'est ce sacré polo. Allez, zouk! Y'a les ch'tis qui descendent en Méditerranée, les campeurs auvergnats qui montent au Cap Grillé. On voit des Alsaciens au bassin d'Arcachon et plein de Parisiens dans le pays breton. Plutôt que de partir pour de lointaines croisières, on préfère le camping sur la terre de nos pères. Nous on veut retrouver le sens de l'amitié et camper en famille pour rigoler et pour chanter. La reine de la vaisselle, c'est Gisèle, le grand champion au boule, c'est Raoul, qui attend aux toilettes, c'est Paulette, et la plus sud au cul, mais c'est la grande Lulu. La vedette au tennis, c'est Maurice, et la star au volet, c'est René, qui dort jusqu'à midi, c'est Maggie, équipé l'apéro, c'est ce sacré polo. Allez, zouker! La

Vous écoutez Amis. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Donc déjà 15h50, et bien l'émission touche tout simplement à sa fin. Voilà donc, et bien vous avez pu entendre un morceau de Musette, et puis on va continuer avec un autre morceau de Musette, voilà. Donc, eh bien, on va se retrouver tout simplement, eh bien, dimanche prochain. Et puis ainsi, on se retrouve aussi mardi aussi, partir de Très Entente. Voilà donc, eh bien, avant de se quitter, eh bien, avant, je vous laisse l'accordéon. Donc, on va se retrouver donc, eh bien, mardi prochain. Et puis ainsi, dimanche, on ne se retrouvera pas le vendredi, mais vendredi dans 15 jours. Voilà donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Estamos praticamente no final deste Abraço da Madeira na Antena 1 e também na RDP Internacional Rádio Portugal. Como sempre lhe digo, seja feliz e faça alguém feliz. Se estiver de férias, boas férias ou então bom fim de semana.